claque. Envoie ça, ton 4-track. Barre un beat, chie des notes. On fait de la musique de plot. Ooh. On est Otari, on s'appelle Otari. On est Otari, on s'appelle Otari. Yo, check mon flow, Gaeta Montana. Yo, c'est moi, quand ça me tente de parler cul, j'parle de cul, dans cul, tout nu, des lulu, pis un tutu, avec du crédu, j'fais ma fausse, lolita, les métros, y'a pas mal ça, ça tombe mal, moi, les métros, j'ai trop pop, oh, Tokyo. Yo, il fait chaud, j'suis de la craque, en way sort, ton cap-crack, bord un beat, j'suis des notes, on fait de la musique de plot. Yo, je m'appelle Canine Suto, je fais des beats pour les orthos. Les petits gars qui s'approchent trop, je les amène dans mon auto. Je les chatouille, je les caresse, je leur donne des petits tapes ses fesses. Les mamans, attention, je m'envole licher ton garçon. Il fait chaud, je suis de la craque, en way sort ton 4-track. Pour un beat, j'ai des notes, on fait de la musique de plot. Otari, lèche des battes, on se trouve drôle avec nos farces plates. Si tes games nous écoutent, on va tous te déchirer. Le hip-hop, c'est un peu drôle, mais on aime mieux le rock'n'roll. Ouh! Il fait chaud, je suis de la craque, en waistant ton 4-track. Pour un beat, j'suis des notes, on fait de la musique de plot. On est Otari, on s'appelle Otari. On est Otari, on s'appelle Otari. Otari, incroyable groupe, renversant, superbe, duo montréalais, vulgaire, sexe, il n'y a pas une de leurs chansons qui parle pas de sexe. On a entendu On est Otari, Cuni Cuni et Il fait fret dehors. Vous avez peut-être remarqué que c'est cette pièce-là. C'était une version alternative francophone. It's Cold Outside, peut-être que vous connaissez. Une chanson éminemment romantique et langoureuse, mais dans la bouche d'Otari, ça porte une autre tournure. Et puis, on peut entendre, c'est vraiment la chanson Cuni Cuni qui joue de temps en temps à Shiz, radio universitaire, qui m'avait fendu le cerveau en deux et qui m'a fait absolument vouloir trouver qui était l'auteur de cette chanson. Otari, donc un homme et une femme, font-ils du sexe ensemble? Là, la question, c'est confus. Parce que dans leur chanson On est Otari, il y a l'homme du groupe, Canine Suto, qui dit qu'il lèche des battes. Alors, et peut-être qu'il est homosexuel. Et sur leur MySpace, c'est indiqué « Copains comme cochons depuis l'orée de leur puberté respective. » Ils ne font cependant pas de sexualité ensemble. Alors, je pense que c'est clair. En 2006, après un succulent repas de pâtes à la saucisse, Canine et Gaétan décidèrent de même, rien que sur une gosse, de changer le visage de la musique québécoise. Ils roulent sur l'or depuis. Bravo. Donc, Otari a trouvé à télécharger pour une couple de piastres sur Bandcamp, ça se trouve, ça se télécharge. Et vous encouragez la fantaisie, le délire et le talent québécois. Et est-ce que vous avez payé vos taxes? Oh, les taxes ont augmenté et les banlieusards sont vraiment, vraiment furieux! Alors, on va écouter une pièce, tiens, pourquoi pas là-dessus. Une chanson, on va commencer avec My Insurance Man. La pièce s'intitule Taxes and money, hein, c'est un bon concept. Let's go! Hi, you know, Bob, selling insurance at Continental Way sure is a breeze. Pardon me, gentlemen. Surely. We're conducting a little opinion poll. Oh, yeah? Well, if you want to have a little opinion poll there, you want to talk to my friend, because he has the littlest opinion of anyone I know. Oh, that was funny. You like that? I thought so. Tell me, sir, what do you think of money? Oh, money, oh, money. Great. Why, we think of money all the time. And taxes? Yeah. Then you do pay taxes. All the time. Yeah, it does seem like all the time. You see, we love money. Yeah, but we don't like taxes. Then you pay a lot of taxes. Do we? Listen. I pay a city, township, county, state, and federal tax today. When I think I've paid it all, they all politely say, we got another tax for you. The law says you must pay. Your city, township, county, state, and federal tax today. Taxes and money, it seems like such a shame. You gotta play, but you can't win the tax and money game. I pay a tax to ride a taxi, a train or bus or plane. I pay a tax to use the telephone and one to entertain. I was taxed for the new expressways and thought that I was through, until they hit me with the taxes for some brand new sidewalks too. Taxes and money, it seems like such a shame. You gotta play, but you can't win the tax and money game. They have a tax on all my savings and everything I spend. They tax my income and my outgo. My taxes never end. I question my insurance man, though I didn't need to ask it. Besides the tax on my estate, they got one on my casket. Taxes and money, it seems like such a shame. You gotta play, but you can't win the tax and money game. They're even talking of a surcharge to try and stop inflation, to try to stop the flow of gold. Today they're taxing my vacation. They run the whole economy with balances and checks. And when their goal is birth control, they'll slap a tax on sex. Taxes and money, it seems like such a shame. You gotta play, but you can't win the tax and money game. The tax and money game. The tax and money game. The tax and money game. L'OCDE prétend que 15% du budget des États disparaît en évasion fiscale. Au Québec, ça veut probablement dire quelque chose comme 7 milliards. Donc, c'est déjà la moitié de son trou là, qu'on vient de récupérer juste si on va chercher ça. Non, mais à un moment donné, il faut le dire quand même, là. Parce que quand le premier ministre du Canada est un champion de l'évasion fiscale, puis que personne ne fait rien, tout le monde le sait, personne ne fait rien. Quand l'autre premier ministre du Canada a inscrit sa résidence à Ottawa, même s'il est dans un comté du Québec, pour payer moins d'impôts, puis ce monde-là vient de nous dire que

mère qui gagne le pain de ses enfants. Imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les feignants. Vous qui voulez qu'on repeuple la France, n'écrasez pas par de nouveaux impôts le travailleur, car alors sa conscience se révolterait contre tous ses bourreaux. Ce que le père peut gagner à l'usine, ça c'est sacré, messieurs, n'y touchez pas. Oui, votre impôt, c'est l'impôt de la famine. Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qu'il paie pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est la peau sur les peignants. Nous autres, quand on est arrivés, qu'est-ce qu'il y avait dans la société? On en parlait tout à l'heure. Il y avait des écoles primaires. Moi, j'ai commencé dans une école de Reims, là, si on faisait ça. Il y avait quoi? Il y avait très peu d'écoles secondaires. Il y avait l'éducation supérieure, c'était très limité. Il y avait peu d'hôpitaux, les routes en gravier. Moi, je viens d'Abitibi, je peux vous en parler. Il y en avait pas de société, là. T'sais, à un moment donné, il y avait rien. Là, peut-être qu'on va, que la génération dont je suis va laisser 2-3 dettes, là. Il va peut-être laisser 2-3 actifs aussi. À un moment donné, je comprends que vous voulez là la grosse maison sur le plateau, puis le chalet dans le nord, puis les rires, puis tout ça, puis surtout que ça soit tout payé d'avance, là. Mais pensez que la génération X qui vient après, là, nous autres, ça va être celle qui va le plus, qui va hériter du plus d'actifs qu'on a jamais vu, là. Bien que j'aie une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas complaisante, des impôts je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir 3 chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie les chats blancs et les chiens roux. De cette ménagerie, j'abhorre les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement, l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Décrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants. À quoi ça sert un déficit? Bon, prenons un exemple. Cette année, le gouvernement du Québec a probablement dépensé 1,2 milliard en rires. Bon, c'est beau. J'ai rien contre les rires, là. Il n'empêche que les rires, c'est de mettre de l'argent de côté pour quand on va être vieux pour s'acheter un char. Mais le problème, c'est que le gouvernement, il nous dit qu'il n'y a pas le moyen de payer l'épicerie cette année et cette semaine. Fait que là, on a comme un problème. On dépense 1,3 milliard. Mais si on prend depuis toutes les années passées l'argent qui était immobilisé là-dedans, puis comment que ça coûte? on pourrait dire que trois quarts de la dette est là. Tu sais, je veux dire, toute dépense, si vous ne l'aimez pas, vous dites que c'est ça qui fait la dette, là. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi la dette? Quand les gens parlent, ils ne paient pas leurs impôts. Ils traitent ceux qui les payent de voir et de salauds. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coûts font des mines de gruyère et les coûts de vin que tu as reçus. Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux bourses, ton 5% de tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclare rien, pas plus leurs 100 chevaux que leurs velours, leurs chiens, afin de les forcer à faire tous leurs devoirs. Je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? T'es de la main ta cuisinière et ta villa ton olulu, ton cheval et ta bicyclette, ton moteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta DSF et ton cabot, et lorsque t'as sur les molaires de ton vieux jardinier barbu, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Comme dans notre budget, il y a toujours des trous. Vous verrez qu'un beau jour, faudra le payer sur tout. On payera sur sa femme et sur son perroquet. Ce jour-là, je dirai à ceux qui ne payent jamais, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton grand-père, ton écumoire et ta tortue? As-tu déclaré tes lunettes, ta sœur et tes boutons de manchette, ton rasoir star et ton blaireau, tes draps, ta pipe et ton yo-yo? As-tu déclaré ta belle-mère, ta patinoire et ton bahut? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré tes lunettes, ta sœur et tes boutons de manchette, ton rasoir star et ton blaireau, tes draps, ta pipe et ton yo-yo? As-tu déclaré ta belle-mère, ta patinoire et ton bahut? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré ton revenu? C'était un spécial taxes et impôts. On vient d'entendre. Peut-être que vous avez reconnu la voix de George Milton, un chanteur des années 20. Oh que oui! Et c'était, vous avez peut-être remarqué que ça sonnait un peu de calebasse. Eh bien, c'est parce que c'est enregistré sur un 78 tours. En tout cas, c'est spécial. Mais au cirque aquatique magique, des fois, on se permet de passer des affaires qui sonnent comme n'importe quoi. Parce qu'on est à la radio communautaire, on a le droit de faire ça. On a également entendu Les impôts, une chanson de 1861, tirée d'une compilation qui s'appelle Chansons historiques de France. On a également entendu Marty et l'impôt sur les feignants, qui, dans le fond, il disait d'imposer les riches, tout simplement. Au lieu d'imposer les salaires, imposer les feignants. On a aussi entendu « Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano » de Les Charlots. Les Charlots qui nous donnaient un bon truc pour ne pas payer d'impôts. « Cache tes objets de valeur ». Et la première pièce du bloc, c'était « Taxes and Money », tirée d'un album qui s'appelle « My Insurance Man ». C'est une pièce... Si je ne m'abuse, c'est tiré d'un album qui est qu'on appelle corporatiste, c'est-à-dire que c'est de la musique d'affaires. Hein. C'est fait pour, je pense, pour une compagnie d'assurance. Alors, c'est comme pour motiver les employés de la compagnie. Et oui, ça existe. Et ce qui m'a inspiré à faire ce bloc-là sur les taxes et impôts, c'est que dans le Soleil d'aujourd'hui, dans la section Opinion, il y a trois personnes qui vilipendent. Ben, en fait, ils répondent au maire qui a été très condescendant par rapport aux augmentations de taxes et aux citoyens qui doivent les payer. Et je vais vous lire un des textes. Évidemment, monter les taxes a des conséquences. Alors, je lis un des textes. Donc, selon notre bon maire, la madame de Loretteville est assise sur une mine d'or. Elle n'a qu'à vendre. Je reconnais bien là toute l'empathie et la délicatesse de M. Labeaume. Une vraie réaction de spéculateur et de promoteur. Selon lui, une maison, ce n'est qu'une façon de s'enrichir. La dame devrait être presque contente de payer plus de taxes. Encore un peu, et on va l'obliger à remercier la ville parce que ça lui coûte plus cher. Une maison, ne vous en déplaise, c'est aussi un lieu où on a des souvenirs, un lieu que l'on habite parce qu'on l'aime ou on est bien. C'est aussi un lieu pour lequel on a fait des sacrifices toute sa vie, mais ça, c'est le dernier des soucis des spéculateurs. Vendez si vous n'êtes pas content et déménagez. Et c'est signé Pierre Boudreau. Toujours avec François Gécouillard. Est-ce que vous appréciez le théâtre de Brecht? On va écouter un petit bloc consacré à cet auteur. On commence avec Le Chant des canons. Il y avait Jim et puis il y avait John. Il était le chef de l'escouade. Mais dans l'armée, on n'est plus qu'un numéro. Et chacun, oui, chacun en prend pour son grade. Les soldats marchent, les canons crachent. Du cap à Zanzibar, la pluie peut bien tomber. Et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. Sam trouvait le whisky trop chaud. Et Jim avait toujours mal aux pattes. Et Billy leur tapait dans le dos. T'en fais pas, on les aura tous ces pirates. Les soldats marchent, les canons crachent. Du cap à Zanzibar, la pluie peut bien tomber. Et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. Son est tombé et Jim a disparu. Et Billy a passé l'arme à gauche. Le sang coule de plus en plus. Engagez-vous les gars, l'armée embauche. Les soldats marchent, les canons crachent. Du cap à Zanzibar, la pluie peut bien tomber. Et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. ...1945-1956, the post-war period. For Bertolt Brecht, a second post-war period. The Second World War was over, but as Brecht put it, in a revision of the Kanonen song from Threepenny Opera, in the ruins of a flattened-out Berlin, the talk is of a Third World War. And now two Germanys were rearming, not just one. Brecht wrote this poem to my countrymen. You who live on in towns that passed away, now show yourselves some mercy, I implore. Do not go marching into some new war, as if the old wars had not had their day. But show yourselves some mercy, I implore. You men, reach for the trowel, not the knife. Today you'd have a roof above your head, but that you gambled on the knife instead. And with a roof, one has a better life. You men, reach for the trowel, not the knife. You children, that you all may stay alive, your fathers and your mothers you must waken. And if in ruins you would not survive, tell them you will not take what they have taken. You children, that you all may stay alive. You mothers, from whom all men take their breath, a war is yours to give, or not to give. I beg you, mothers, let your children live. Let them owe you their birth, but not their death. I beg you, mothers, let your children live. ...1930, the measures taken. Much of the music of this Marxist morality play is in traditional oratorio style. Not so that of the song I'm going to sing, which is jazz of 1930. It is called Supply and Demand and is about just that. The singer is a merchant in the China of colonial days. He deals in rice. Coolies drag the rice barge up the river for him. Supply and Demand. There is rice down the river, in the provinces up the river. The people need rice. If we leave the rice in the warehouse, it will cost them more. Those who pull the rice barge will then get much less rice. For me, the rice will then be even cheaper. What is rice, actually? Do I know, do you know, what's this thing called rice? God only knows what rice is. I only know its price. The coolies all need clothing. One must buy all the cotton and then keep a tight hold on it. When the cold weather comes, then clothing will cost more. These cotton spinning mills pay too high wages. There's far too much cotton anyway. What is cotton, actually? Do I know, do you know, what's this thing called cotton? God only knows what cotton is. I only know its price. Thank you. men take too much feeding. That's why they are so expensive. For the making of food, men are needed. The cooks make the food cheaper, but those who eat it make it expensive. There are too few men around anyway. What is a man, actually? Do I know, do you know? What's this thing called a man? God only knows what a man is. I only know his price. God only knows what a man is. I only know his price. The Merchant of the Measures Taken turns up again in Brecht's play The Exception and the Rule. Here the economics of supply and demand are worked up into a complete philosophy of life. The merchant agrees with Leibniz that this is the best of all possible worlds. That's how it should be from The Exception and the Rule. Sick men die, but strong men fight, and that's how it should be. All power to the strong, no power to the weak, and that's how it should be. Things that fall, let 'em fall, then give 'em a kick. Isn't that how it should be? Who wins the battle can sit down to dine. Yes, that's how it should be. The conqueror's cook makes no count of the slain, and that's how it should be. And God up in heaven, God of things as they are, he made master and man, and that's how it should be. Who has good luck is good, who has bad luck is bad, and that's how it should be. Voilà, c'était ça pour le bloc Brecht, consacré essentiellement à l'auteur dramaturge allemand Brecht. Donc on dit Bertolt Brecht. Disons que sa poésie est assez, comment je pourrais dire, déprimante. Néanmoins, très intéressante. Le personnage en tant que tel, Bertolt Brecht, était très, très fascinant. En 1918, pendant la Première Guerre mondiale, à 20 ans, il est immobilisé dans la Première Guerre mondiale comme infirmier, mais l'horreur de la guerre va avoir un effet profond sur lui. Et la même année, il va écrire sa première pièce qui s'appelle Baal, qui lui reconnaît des traits de caractère anarchiste. Et donc, il est en Allemagne à l'époque. En 1928, il crée l'opéra des Quatre Sous. De Quatre Sous, bon, peut-être que vous connaissez ça. Des fois, on voit des représentations de ces pièces-là. L'opéra de Quatre Sous. Et en 1930, les nationaux-socialistes, donc les nazis, commencent à interrompre les représentations des pièces de Brecht. Ils voient quelque chose de subversif là-dedans. Alors, ils viennent interrompre ces pièces. Et il va prendre le chemin de l'exil. Et il a fini par rejoindre le Danemark et d'autres pays européens. Il a participé à une revue communiste. Donc, il est devenu communiste à cette époque-là, après son exil. Et là, c'est pas fini. Finalement, il se retrouve aux États-Unis. Il écrit des pièces. Et il est chassé des États-Unis en 1947 en raison du macartisme. Donc là, évidemment, on le désigne comme le grand méchant communiste. Et il doit, après avoir quitté l'Allemagne à cause des nazis, il doit quitter les États-Unis à cause des anticommunistes. Finalement, il se retrouve encore une fois à galérer. Et en 49, il s'installe à Berlin-Est, l'endroit où il est originaire. Et il finit par collaborer avec le régime est-allemand, donc les soviétiques, dans le fond. Mais, évidemment, il dérangeait à chaque fois qu'il arrivait quelque part. Les communistes lui reprochaient d'être trop formaliste, trop cosmopolite et trop pacifiste. Et apparemment, que ses pièces, il n'y avait pas beaucoup de héros ouvriers positifs. Hein? C'était trop sombre, ces pièces. Alors, il n'était pas apprécié par les communistes non plus. Et finalement, ben, c'est pas clair s'il a comme collaboré avec le régime, mais en même temps, c'est pas très clair s'il faisait juste ça pour sauver sa peau. Donc voilà, la tumultueuse vie de Brecht. Et c'était souvent une référence dans les mouvements d'extrême gauche des années 70 en Europe. Il y a une citation qui était fréquemment citée, il y a une citation qu'on utilisait souvent qui était celle-ci. Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien. Si ce n'est que nous sommes trop peu dans la lutte contre l'infamie, et de ceux qui nous regardent en spectateurs, nous attendons qu'au moins ils aient honte. Alors, c'était ça pour Brecht. C'est presque la fin de cette émission du Cirque Aquatique Magique. On s'en va écouter une pièce de Stéphane Robitaille, interprétée par Paul-André Cassidy, qui s'intitule « Sans dessin ». Le schizophrène, au fond, c'est un artiste sans public. Le pyromane, ce qu'il veut, c'est un peu de chaleur humaine. Je suis fou, tu es fou, il est fou, on s'en fout. J'aime pas la qualité totale, j'essayais même pas d'être normal. Pour que tout le monde puisse être winner, il faudra au moins un loser. Je lis l'avenir dans les pilules, puis je vois qu'on veut crever ma bulle. Et je vais me sauver loin dans ma tête, là où y'a personne qui m'embête. Courons, courons après notre queue, on n'attrapera rien que le cancer. On vit tous du même moule à con, trois petits tours et puis s'en va. Si on n'avait pas crucifié Jésus, il me l'a dit, il se serait pendu. Mais la planète est encore jeune, pis l'humanité, ben, c'est une crise d'acné. Tu votes pour lui, il vote pour toi, moi je vote pour tout le monde à la fois. À moi tout seul, je suis un pays aux seules frontières de ma folie. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est moi-même. Dans mon quartier, quand j'étais petit, y avait pas de quoi être heureux. Des pères drogués, des mères battues, des enfants tristes. Des vieux qu'on a rayés de la liste de ceux qui vont dormir près du bon Dieu et qui engueulaient sans prévenir la vie courant sous leurs yeux. Les petits morveux qui ont décidé à l'improviste de faire les clowns sur la plus grande piste. La rue tourna tout autour d'eux. Les branches cassées du peuplier qui avait déjà peine à pousser portait l'enfance en manque de chance comme un refuge. Dans la cour aux mille subterfuges, tous leurs rêves gardaient le silence. Pour tout espoir, à l'horizon, il y avait un bloc d'illusion, une vieille école bordée d'une petite mare aux grenouilles. En été, on y pêche, on s'y mouille. En hiver, on en fait des chansons. Dans mon quartier, quand j'étais petit, il n'y avait pas de quoi être heureux. J'aurais bien pu perdre le nord de ma jeunesse, mais j'habitais à bonne adresse, où on apprend que l'amour a des yeux. Mon père était le châtelain de notre monde en exil. À ses yeux clairs, ma mère devenait une princesse. Son amour, sa seule richesse, n'a jamais connu le péril. Pour confident, le vieux piano qui trônait dans mon vieux château, de bois meurtri, de papier brique et de vieilles planches, je chevauchais les noires et les blanches et je m'inventais des bravos. Sous la musique de ma chanson, j'entends les enfants sans nom jouer comme des fous avec la balle de leur enfance. Si dans nos jeux, dans notre rue, je ne suis pas venu, si bien souvent j'ai dû briller par mon absence, ne croyez pas que ce soit de l'indifférence, c'est la musique qui simplement m'a retenu. C'est la fin du Cirque aquatique magique. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter cette émission sur jeunefou.blogspot.com. On a entendu Steve Normandin, un vieux camarade de Paul-André Cassidy qui faisait « Il n'y a pas de quoi être heureux » et Paul-André Cassidy faisait « Sans dessin », une pièce dont l'auteur est Stéphane Robitaille. On va se laisser sur une dernière pièce, une pièce de Vandaire. Qui c'est qui ce Vandaire? Comment on dit ça? On dit-tu Vandaire? Ouais, je pense que c'est ça. Vandaire, c'est un Belge. Vous le connaissez, c'est un des membres des ex-Coloc. Il a sorti un album récemment qui est un peu passé inaperçu. On va écouter une des pièces de cet album qui s'appelle tout simplement... Son album s'appelle French Toast et Peine perdue. La pièce s'intitule Y'a pas que. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. qui souffre. Y'a pas que les chrétiens qui meurent. Y'a pas que les musulmans qui prient. Y'a pas que les Africains qui ont faim. Pas que les ricains qui sont trop riches. Pas que les politiciens qui trichent. Pas que les ivrognes qui dorment en rue. Y'a pas que les fachos qui puent. Que les fachos qui puent.